J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes, et il n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close. N'en parlons plus. On en parle, encore, cependant. Et il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Y a-t-il même des femmes? Vous, Madame Dupont, vous parmi les 21 400 000, Madame Dupont. Qui je suis? Une bonne Française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15% de chances de divorcer au bout de 3 ans. Hélas, 30% de chances d'être trompée au bout de 5 ans. 76% de Madame Dupont apportent au lit le petit déjeuner de leur mari. Sauf pendant les 3 premiers mois de leur mariage, où 45% de messieurs Dupont remplissent cet office. 35% brossent soigneusement les vêtements de leur mari. Et 40% les brossent à fond, dans les moindres recoins. Peut-être. Mais Madame Dupont consacre au moins 65 heures par mois au nettoyage de son appartement. Mais elle passe 25 heures par an à vernir ses ongles. Et 26 heures pour les faire sécher. Oui, mais ce temps est pris sur les 360 heures annuelles qu'elle perd à attendre les 70% de messieurs Dupont qui, après les 8 premiers mois de leur mariage, ne rentrent pas directement de leur travail. You don't agree, there's no two ways about it. I should marry you, but I haven't a clue of just what to do about it. I know I'm tired of sleeping all alone. Oh, you and I should really make a home for two or three. Vivre de livres, d'amour et d'eau fraîche, c'est le programme de votre chaîne France Culture aujourd'hui. Et l'émission du jour n'existerait pas sans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dont je viens de lire les premières lignes. Ni, sans, on ne n'est pas soumise, on le devient. Le livre de Manon Garcia, publié chez Flammarion. Manon Garcia qui est avec nous ce matin. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et je vous décerne immédiatement la plus haute des médailles puisque pour être en direct avec nous ce matin depuis chez vous, vous êtes levé à 3h30 du matin et à l'heure à laquelle nous nous parlons, il est 4h, c'est ça dans le Massachusetts? Il est 4h. Bon, eh bien vous êtes vaillante et vraiment on est rempli de reconnaissance ici pour nous permettre de commencer la semaine avec vous sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors, on commence avec une espèce de portrait. C'est un portrait que propose Simone de Beauvoir dans le deuxième volume du deuxième sexe. C'est celui de la femme mariée. Vous avez entendu un extrait des Actualités françaises qui datait de 1952. Madame Dupont qui expliquait ce qu'était que sa situation. Commencer avec la femme mariée, c'est à la fois une bonne manière et peut-être aussi dangereux de parler du travail de Beauvoir parce que ça peut paraître extrêmement caricatural. Oui, c'est vrai que le chapitre sur la femme mariée est d'une certaine manière le plus daté parce que elle présente la femme mariée comme étant une femme au foyer. On a l'impression, on se dit, c'est facile dans le chapitre sur la femme mariée de se dire ah vraiment tout a changé, on est sauvé, l'égalité des sexes, on y est presque, etc. D'une part, et d'autre part, c'est aussi un de ces chapitres très longs et très touffu en termes de référence, en termes de ton employé par Beauvoir et où on peut avoir tendance à perdre de vue la dimension philosophique du texte, alors que je pense que c'est un chapitre très important sur le plan philosophique, mais ça ne saute pas aux yeux, alors que l'introduction, par exemple, n'importe qui lit l'introduction voit qu'on a vraiment Heidegger qui est là, Hegel et l'existentialisme et Kierkegaard, alors que dans le chapitre sur la femme mariée, ça se lit comme un roman. Enfin, il y a beaucoup de monde aussi dans ce chapitre-là quand même. Elle cite à nouveau Hegel, elle cite à nouveau Kierkegaard, elle cite Balzac, elle cite Zola, elle cite Sophie Tolstoy. Les références sont très nombreuses, ce qui fait qu'à la lecture, du point de vue du simple plaisir de la lecture, ce chapitre est vraiment jouissif. Oui, c'est vraiment très excitant. Mais ce qui est beau, et ce que moi j'aime vraiment, en particulier dans ce deuxième volume du deuxième sexe où se trouve ce chapitre, c'est qu'on voit, on sent aussi l'excitation de même, on l'imagine oui. très bien à la BNF, parce qu'en fait, ce qui se passe, la façon dont elle conçoit le deuxième sexe, c'est qu'à un moment, elle se dit, bon, en fait, moi, je voudrais écrire mon autobiographie, mais je me rends compte que je bute systématiquement sur le fait que quand je dois me définir, je commence toujours par dire « je suis une femme mm-hmm. ». Et donc, peut-être qu'avant d'écrire mon autobiographie, il va falloir... que d'être une femme et pourquoi je me sens obligée de commencer, de préfacer tous mes propos par « je suis une femme mmh. ». Et elle part s'enfermer à la BNF et elle décide de lire tout ce qui a été écrit sur les femmes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en effet, en 1946, il y a suffisamment peu qui a été écrit sur les femmes pour qu'elle puisse avoir tout lu de son époque. Et on sent ensuite cette espèce d'excitation qu'on peut avoir ressentie quand on travaille aux choses intellectuelles, de faire de cette masse informe un vrai récit, un vrai travail, une œuvre. Et on sent qu'elle s'amuse beaucoup, en fait, dans le chapitre sur la femme mariée. C'est ça qui le rend aussi extrêmement agréable à lire. Oui, vous l'avez dit, elle montre, en tout cas dans l'introduction, ça c'est les lignes que j'ai lues. Elle a longtemps hésité à écrire un livre sur la femme, dit-elle, et donc il y a tout le travail qu'elle va faire pour essayer de prendre ce sujet à bras le corps. Et pourtant d'emblée, elle montre bien qu'écrire un livre sur la femme, même si le premier volume va donner beaucoup d'informations historiques, mythologiques, et le second factuel et empirique sur ce que c'est qu'être une femme, eh bien tout ça s'inscrit dans un projet philosophique. Il faut quand même le dire et le redire. Ça n'est pas au départ qu'un ouvrage d'idéologie féministe. C'est d'abord un ouvrage qui a un point de départ proprement philosophique. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que Beauvoir n'est pas du tout féministe quand elle commence à écrire le livre. Et elle l'explique plus tard dans plusieurs interviews que c'est finalement écrire le deuxième sexe et lire tout ce qui avait été écrit sur les femmes qui lui fait vraiment prendre conscience de l'ampleur des dégâts, pourrait-on mm-hmm. dire. Parce que, en fait, elle se conçoit, et c'est très intéressant sur le plan qu'on pourrait dire en termes techniques épistémologiques, elle explique dans l'introduction qu'elle fait partie de ces très rares femmes qui ont une situation très précise et très originale qui leur permet d'écrire sur les femmes parce qu'elles sont à la fois des femmes et pas des femmes. Parce qu'en fait, ce qu'explique Simone de Beauvoir, c'est que elle, et en fait c'est parce que son père a perdu toute sa fortune et que du coup il allait falloir que elle travaille et qu'elle étudie, mais elle a été dans une situation d'avoir accès au savoir comme les hommes ont accès au savoir, tout en ayant été élevée comme une femme. Et donc elle est à une espèce d'intersection qui rend possible pour elle à la fois de savoir de l'intérieur ce que c'est que d'être une femme, et d'avoir l'éducation, les mots, la compétence philosophique pour expliquer de manière philosophique ce que c'est que d'être une femme, pour répondre à la question mm-hmm. qui est vraiment la question philosophique par excellence, qu'est-ce qu'une femme ? C'est comme quand Platon se demande qu'est-ce que la vertu, ben, elle se demande qu'est-ce que la femme. C'est ça. Et cette question s'inscrit dans une sorte de non seulement de projet philosophique, de projet, disons, historique, mais surtout, il y a cette espèce de préoccupation de l'origine. Elle le dit dans l'introduction, une question se pose aussitôt, comment toute cette histoire a-t-elle commencé ? On comprend que la dualité des sexes, comme toute dualité, se soit traduite par un conflit. On comprend que si l'un des deux réussissait à imposer sa supériorité, celle-ci devait s'établir comme absolue. Il reste à expliquer que ce soit l'homme qui ait gagné au départ. Il semble que les femmes auraient pu remporter la victoire ou la lutte aurait pu ne jamais se résoudre. D'où vient que ce monde a toujours appartenu aux hommes et que seulement aujourd'hui, les choses commencent à changer. Ce changement est-il un bien ? Amènera-t-il ou non un égal partage du monde entre hommes et femmes ? Les choses sont dites de manière tellement simple, Manon Garcia, qu'on se demande pourquoi elles n'avaient pas été formulées de manière aussi claire jusque-là. Oui, c'est intéressant. Moi, je relisais l'introduction du deuxième sexe récemment. Bon, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans ce livre, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je relis l'introduction, je trouve de nouvelles choses. Et je pense qu'on peut vraiment lire l'introduction aujourd'hui comme une sorte de résumé de tout ce qu'a été la philosophie féministe depuis le deuxième sexe, comme une espèce de manifeste. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est elle qui formule la première cette idée qu'il faut historiciser des choses que l'on prend pour évidentes et pour biologiques. Et en fait, là où sa démarche est très subtile, c'est que elle ne dit pas il n'y a pas de différence biologique entre les hommes et les femmes, mais elle dit la question c'est de comprendre pourquoi ces différences biologiques ont la valeur qu'elles ont dans notre société. Et que pour ça, il faut impérativement historiciser la valeur qu'on donne aux différences biologiques. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, il n'y a pas de raison que on peut dire, bon voilà, en moyenne, les hommes sont plus forts que les femmes. Ou en moyenne, les hommes ont plus de que les femmes. Mais au fond, pourquoi c'est la force ou la testostérone ont plus d'importance que la couleur des yeux? Pourquoi on leur accorde une valeur sociale alors que on pense pas aujourd'hui qu'avoir les yeux marrons, c'est mieux ou moins bien en termes de puissance sociale qu'avoir les yeux bleus? Donc la question, c'est pourquoi on vit dans une société qui accorde une valeur à certains aspects biologiques et pourquoi en fait on biologise des rapports de pouvoir? C'est ça, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus passionnant. Elle montre qu'il faut interroger ce que c'est que le mot « être ». La femme est inférieure, mais derrière ce mot « être », au fond, il y a une valeur qui est accolée à ce terme-là. C'est pas juste une position, un postulat ontologique, c'est la description d'un état de fait. Être inférieur, par exemple, c'est être devenu, dit-elle dans son introduction. Et donc tout le travail de la philosophe consiste à essayer de montrer qu'il faut distinguer d'un côté le fait d'être du fait d'être devenu, et deuxièmement qu'il faut faire ce travail d'histoire, de généalogie, pour montrer comment on a investi ce terme-là d'un sens qui n'était pas au départ contenu même dans le terme lui-même. Oui, et cette distinction entre être et être devenu, elle est très importante parce que c'est en elle que se trouve tout le pouvoir émancipateur du deuxième sexe. Parce qu'en réalité, une fois qu'on comprend que l'infériorité des femmes est une construction historique et le résultat de processus, évidemment, on comprend comment ces processus peuvent être inversés. Alors que si on pense que les femmes de tout temps, comme dans une mauvaise dissertation, de tout temps les femmes ont toujours été inférieures aux hommes, on est coincé, on se dit bon bah c'est peut-être pas la peine de se battre. Et c'est pour ça que pour revenir à la femme mariée dont on parlait tout à l'heure, je pense que le deuxième volume parfois est mal compris, que les gens disent ah oui elle décrit la femme mariée comme si toutes les femmes mariées étaient les mêmes et comme s'il n'y avait pas de possibilité de s'en sortir. Mais au contraire, ce qu'elle décrit dans le deuxième sexe, c'est le destin des femmes. Mais ce qu'elle veut dire par là, c'est ce qui nous est proposé en tant que femmes parce que on est des femmes, mais auquel on peut s'opposer. Et en fait, je pense que ce qui a été peu discuté dans la réception philosophique de Beauvoir, parce que pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais c'est que en fait, elle s'inspire vraiment de l'ontologie de Heidegger, qui montre très bien que être dans le monde pour le Dasein, enfin même sans parler du Dasein, pour quand on est dans le monde, on arrive toujours dans un monde où il y a des normes déjà là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pouvoir sur les normes qui sont déjà là. On peut décider de les transgresser, on peut décider de travailler politiquement, socialement, mais qu'on est toujours pris entre une espèce de d'humeur du monde qui est déjà là, d'un monde qui est déjà codé. Et dans lequel notre comportement va être déterminé par ce code. Donc elle dit voilà, il y a un destin pour la femme et qui est le destin par rapport auquel elle va se positionner, agir et éventuellement s'opposer. Et la femme indépendante dont elle parle à la fin du deuxième sexe, c'est celle qui va réussir à refuser ce destin de la femme mariée, de la mère, de la prostituée, etc., qu'elle décrit dans le deuxième sexe. Mais elle va forcément se positionner par rapport à ce destin qui est celui dans le monde dans lequel on est, qui est offert aux femmes. Le mariage est-il le destin social de la femme ? Écoutez cette page du deuxième sexe, donc on trouve dans le cinquième chapitre du deuxième tome, ça s'appelle « La femme mariée » et le texte est lu par Hélène Losseur. C'est tout un art d'attraper un mari. C'est un métier de le retenir. Il y faut beaucoup de doigté. À une jeune femme acariâtre, une sœur prudente disait « Fais attention ». À force de faire des scènes à Marcel, tu vas perdre ta situation. L'enjeu est le plus sérieux qui soit. La sécurité matérielle et morale, un foyer à soi, la dignité d'épouse, un succès d'année plus ou moins réussi de l'amour, du bonheur. La femme apprend vite que son attrait érotique n'est que la plus faible de ses armes. Il se dissipe avec l'accoutumance. Et il y a, hélas, d'autres femmes désirables par le monde. Elle s'emploie pourtant à se faire séduisante, à plaire. Souvent, elle est partagée entre l'orgueil qui l'incline vers la frigidité et l'idée que par son ardeur sensuelle, elle flattera et attachera son mari. Elle compte aussi sur la force des habitudes, sur le charme qu'il trouve dans un logis agréable, son goût de la bonne chère, sa tendresse pour les enfants. Elle s'applique à lui faire honneur par sa manière de recevoir, de s'habiller, et à prendre de l'ascendant sur lui par ses conseils, son influence. Autant qu'elle le peut, elle se rendra indispensable, soit à sa réussite mondaine, soit à son travail. Mais, surtout, toute une tradition enseigne aux épouses l'art de savoir prendre un homme. Il faut découvrir et flatter ses faiblesses. Doser adroitement la flatterie et le dédain, la docilité et la résistance, la vigilance et l'indulgence. Ce dernier mélange est tout spécialement délicat. Il ne faut laisser au mari ni trop, ni trop peu de liberté. Si vous pensez connaître le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, lisez-le vraiment. Non seulement c'est une partie de plaisir, mais vous découvrirez des choses dont on ne vous a pas encore parlé sans doute. Et l'humour, l'ironie grinçante de Simone de Beauvoir n'est pas la moindre des choses que vous découvrirez. C'est tout un art d'attraper un mari, c'est un métier de le retenir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On est confiné avec Simone de Beauvoir cette semaine et aujourd'hui en compagnie de la philosophe Manon Garcia qui est avec nous depuis le Massachusetts. Il est donc 4h18 du matin chez vous Manon, donc je vous remercie toujours d'être encore avec nous. Ce texte est assez incroyable et à l'image du chapitre sur la femme mariée, parce qu'encore une fois on est à mi-chemin entre l'ironie mordante, elle a l'air de se moquer et en même temps elle veut prendre le parti. Elle a un positionnement qui est vraiment singulier dans ce chapitre, parce qu'elle-même n'a pas été mariée, elle-même n'a pas connu ce qu'elle décrit, et pourtant elle le fait avec une lucidité assez, assez remarquable. Oui, c'est intéressant. Bon, d'une part, c'est très drôle, mais c'est très intéressant de réfléchir au positionnement de Beauvoir dans ce chapitre, parce qu'elle est à la fois, d'une certaine manière, critique sociale au moment où elle écrit ce texte sur l'art d'attraper un mari. Un peu plus tôt dans le chapitre, elle dit, j'aime beaucoup ça, il y a un art d'attraper un mari comme du papier tu mouches, attrape les mouches. Je trouve la comparaison quand même assez drôle. Oui. Mais je pense que Beauvoir a été accusée par certaines personnes de se moquer des femmes opprimées par le patriarcat, alors qu'il me semble que tout son propos, c'est de montrer la ce qu'on pourrait caractériser comme mauvaise foi, dans laquelle les femmes sont mises contre leur gré. C'est-à-dire que tout ce qu'elle veut montrer, c'est que le destin qui est offert aux femmes est un destin de contradiction et d'impasse en réalité. Il me semble que ça, c'est vraiment que donc ce qu'elle juge, c'est pas les femmes qui se comportent de cette manière-là, mais c'est montrer comment tout un système est en place pour que les femmes soient dans une situation où elles n'ont pas d'autre solution que d'être des mégères, d'une certaine manière. Je trouve que c'est intéressant. C'est une idée que va reprendre Bourdieu, par exemple, dans La domination masculine, où il va montrer comment il prend l'exemple, un exemple que j'aime beaucoup, des femmes méditerranéennes qui culpabilisent toujours leurs enfants de pas venir suffisamment, de pas les aimer suffisamment, et il montre comment en fait c'est la seule chose qui leur est donnée comme pouvoir, c'est le pouvoir de la culpabilisation, qui est un pouvoir qui les fait échouer systématiquement. Parce qu'évidemment, on n'a pas du tout envie d'aller voir sa mère si c'est pour se faire entendre qu'on est vraiment un mauvais fils et qu'on l'a abandonné après tout ce qu'elle a fait pour nous. Et en fait, à ce moment-là, quand Bourdieu parle de ça, il est vraiment héritier de Beauvoir et de cette analyse des impasses dans lesquelles les femmes sont mises, qui font qu'elles ne peuvent pas faire autrement qu'être des mégères. C'est ça. Et là où le texte est cinglant et sans concession, c'est qu'il est tellement précis, elle décrit tellement bien la situation de ces femmes mariées, que même aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, il y a des choses qui résonnent avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, alors que le rapport au mariage a quand même changé, les rapports entre les hommes et les femmes ont quand même heureusement changé, il reste des choses comme des constantes qui sont présentes de manière plus ou moins consciente dans la société, dans les états de fait, même à l'échelle conjugale, qui ont un écho direct avec ce que dit Beauvoir. Oui, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a plusieurs niveaux dans son propos. Le premier, c'est qu'elle est très critique du mariage comme institution parce qu'elle pense que c'est une institution qui fige ce qui est beau dans l'amour, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle dit à un moment, je la cite, « Le couple est une communauté dont les membres ont perdu leur autonomie sans se délivrer de leur solitude ». Ou un peu plus tard, elle dit « Le drame du mariage, ce n'est pas qu'il n'assure pas à la femme le bonheur qu'il lui promet, puisqu'il n'y a pas d'assurance sur le bonheur, c'est qu'il la mutile, il l'avoue à la répétition et à la routine. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sa critique du mariage, elle est sous-tendue par une croyance très forte dans l'amour et dans le pouvoir de l'amour, à condition que l'amour soit un amour et d'amour de la liberté de l'autre. Et elle pense que le mariage, ça empêche d'aimer la liberté de l'autre. Mais en parallèle de cette critique de ce que le mariage fait à l'amour et à l'érotisme, parce que c'est aussi quelque chose qui est très fort dans ce chapitre, oui. La façon dont elle montre que la routine, la répétition, cette espèce de... Une fois qu'on est marié, ben voilà, ça y est, on est d'une certaine manière un peu... coincé à vie avec cette personne, que tout ça, c'est remède à l'amour, mais remède à l'érotisme aussi, qu'il y a une espèce de disparition de l'altérité, du désir, et que d'une certaine manière, le mariage est voué à l'échec, puisqu'il cherche à solidifier quelque chose qui précisément ne doit pas être solide. Donc il y a ça, et en même temps, en parallèle de ça, il y a une critique économique et sociale, et c'est ça qui est très fort chez Beauvoir, c'est que il y a toujours un mélange d'analyse phénoménologique et existentialiste d'un côté, et d'analyse qu'on pourrait qualifier de marxiste de l'autre, où elle dit voilà, les structures économiques et sociales sont telles que les femmes sont invitées à concevoir le mariage comme le but de leur existence, et que à l'inverse, les hommes on leur dit que le mariage, c'est secondaire dans leur existence. Et donc, ça crée une inégalité de départ qui met les femmes dans une situation où elles ont tout à perdre à ne pas être mariées. Et ça, je veux dire, évidemment, c'est moins le cas aujourd'hui, mais que être mariée, ça donne un certain statut social, qu'on se dit que une femme, si elle est mariée, c'est que quelqu'un a bien voulu d'elle, hein, ça d'un homme. Et donc elle a tout à perdre à ne pas être mariée et elle a tout à perdre au divorce. Puisque le mariage est ce qui lui donne un statut social. Et encore aujourd'hui, je suis plus sûre des chiffres en France, mais je sais qu'aux États-Unis, 30% des femmes qui divorcent tombent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc c'est quand même dingue. Un tiers des divorces ont pour conséquence que la femme tombe en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est pas une espèce d'analyse un peu surannée, la femme mariée dans le deuxième sexe, c'est encore vrai que la femme a énormément à perdre au mariage. Et dans ce livre très bien qui s'appelle le genre du capital, qui a été publié récemment, elle montre les autrices que en France, de la même façon, les hommes en fait deviennent plus riches quand ils divorcent, tandis que les femmes perdent en qualité de vie. Et donc, il y a vraiment ce truc de ne pas trop faire de scène à Marcel pour ne pas perdre sa situation. C'est ce qu'elle dit, oui. Encore c'est... aujourd'hui. Vous la citez, ouais. Ouais. Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher, puisque précisément, on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi, et là je veux dire une indépendance morale, mentale, parce que sans ça elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent, c'est-à-dire elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Vraiment une femme qui reste avec son mari uniquement pour l'argent, parce qu'elle n'a pas les moyens de gagner sa vie elle-même, c'est une femme qui a abdiqué vraiment sa valeur et sa dignité d'être humain. Par conséquent, moi, ce que je conseillerais à toutes les femmes, c'est de travailler, d'obtenir les qualifications les plus hautes qu'elles peuvent et d'avoir le travail le plus intéressant possible, mais surtout un travail qui lui assure l'indépendance économique. Ce parallèle entre la femme entretenue par son mari et la femme prostituée, établi par Simone de Beauvoir ici dans cet archive qui date de 1975, a quelque chose de très provoquant, Manon Garcin. On ne veut pas imaginer qu'une femme entretenue, eh bien, soit finalement une sorte de prostituée qui vit grâce à l'argent que lui donne un homme. Est-ce qu'elle veut choquer à dessein ou est-ce que pour elle, il y a vraiment un lien qui se fait entre la femme qui vit au crochet financier de son mari et la femme prostituée ? Je pense que c'est une analogie qui a été beaucoup utilisée et qui a une puissance très claire, parce que c'est vrai que quand on réfléchit de manière précise à quelle est la différence entre être une prostituée et être une femme entretenue, la ligne est très difficile à définir. Si on prend des exemples contemporains, ce qu'on appelle les michtos, les filles qui sortent avec des hommes très riches en échange de sacs à main, bons hôtels. Bon, elles sont dans une zone grise où beaucoup de petites amies sont aussi dans une situation où on leur offre des beaux sacs à main et bon, on a du mal en fait à tracer une ligne très claire de la différence entre la prostitution et le mariage, mais pour une raison très simple, qui est que jusqu'à récemment, jusqu'au 19e siècle, il était inscrit noir sur blanc dans le droit du mariage que et en fait même pas jusqu'au 19e siècle, on pourrait dire jusqu'à la fin du 20e siècle, je vais expliquer pourquoi, que le mariage était une forme de transaction de protection contre obéissance et de protection contre service sexuel. Et en effet, le mari avait obligation de subvenir aux besoins de sa femme, etc. Mais en échange, la femme ne pouvait pas se relier sexuellement au mari. Et on peut considérer que ça a pris fin avec la pénalisation du viol entre époux, qui veut dire en fait le fait d'être marié ne donne pas droit au corps de l'autre, mais en droit français il y a toujours une certaine forme de devoir marital sexuel qui dit quand même que mais qui va dans les deux sens, mais qui dit quand même voilà il y a une dimension sexuelle qui est intrinsèquement liée à la dimension économique. Après, ce que je pense qui est intéressant à voir dans le passage qu'on vient d'entendre de Beauvoir, c'est que là, elle tombe peut-être... C'est un des moments où elle est un peu aveugle et un peu située socialement dans son propos. C'est-à-dire que la philosophe africaine-américaine Bell Hooks a montré que c'était une erreur de la part de beaucoup de féministes de la deuxième vague, donc de féministes comme Simone de Beauvoir, de voir dans l'indépendance économique et donc dans le travail en dehors du foyer le secret de l'émancipation, comme si les femmes n'avaient pas toujours travaillé en dehors du foyer. Et qu'en fait... C'est vrai que les femmes populaires, et en particulier aux États-Unis, les femmes africaines-américaines et les femmes racisées, ont toujours travaillé en dehors du foyer. Et donc c'est aussi une drôle d'idée de se dire « Ah ben, par le simple fait de travailler en dehors du foyer, on va accéder à la liberté ». En fait, le travail en dehors du foyer n'est pas toujours d'être Simone de Beauvoir. C'est sûr qu'être Simone de Beauvoir, c'est plus épanouissant qu'être une femme au foyer, mais... Pour reprendre un exemple que prend la philosophe américaine Martha Nussbaum, c'est pas sûr que ce soit tellement épanouissant de travailler dans un entrepôt où on plume des poulets gelés. Oui, c'est ça. C'est pas travailler à tout prix. Ça dépend aussi du type de travail qu'on fait. Et que voilà. Là, Simone de Beauvoir serait porte-parole d'une forme de bourgeoisie qui occulterait une partie de la réalité en disant « Mais en fait, il suffit de vouloir travailler pour y arriver. Les femmes entretenues, libérez-vous et travaillez. » En gros, c'est ça. Oui, mais je pense que donc ça c'est la version un peu du jugement qu'on peut avoir sur Beauvoir. Après, ce que je pense intéressant, c'est que il me semble que ce qu'on voit ici, c'est aussi une distinction entre travail et labeur qu'on retrouve dans la pensée marxiste notamment, et qu'elle applique ici à la question du travail ménager, parce que au fond, à partir de Hegel et encore plus à partir de Marx, une des grandes questions est de savoir si on peut s'émanciper par le travail. Mmh. Et l'idée de Hegel reprise par Marx, c'est de dire il y a dans le travail, on peut prendre conscience de soi et de sa force d'être humain, de ce qui fait qu'on n'est pas un animal, mais un être humain libre et puissant, et qui est, en ce sens, émancipateur. Mais il faut distinguer ce travail-là, qui est le travail, par exemple, de l'artisan, qui va construire des choses de ses propres mains, ou du paysan, du travail à la chaîne, où là, il n'y a plus de possibilité de prendre conscience de soi dans le travail. Et il me semble, et donc l'idée, c'est de dire, voilà, quel est le bon travail, d'une certaine manière. Ou en tout cas, il y a une réflexion sur le bon travail, et je pense que Beauvoir, elle contribue à cette discussion-là dans ce chapitre en disant, j'ai fait partie de ces formes de travail qui ne sont pas émancipatrices. Pour la raison très simple que il ne crée rien de positif et qu'il est une sorte de perpétuation de l'immanence. Le travail ménager, dont vous parlez. Oui, le travail ménager. Et parce que en réalité, tout le fond philosophique de Beauvoir est un fond existentialiste où elle oppose la transcendance et l'immanence, et donc une espèce de la transcendance conçue comme verticalité et comme quête de la liberté contre une immanence qui est horizontale et un peu animale, disons. Et en fait, ce qu'elle va montrer, c'est que le travail de l'homme en dehors du foyer lui permet d'avoir des projets, lui permet de se sentir puissant, de se sentir reconnu, d'être dans un mouvement linéaire, disent que le travail ménager est quelque chose de circulaire, d'effacer toujours la saleté, de nourrir, mais bon, la nourriture disparaît aussi vite qu'elle a été mise sur la table, d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça qu'elle compare le travail ménager au travail de Sisyphe, pour dire, en fait, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de possibilité d'accéder à de la transcendance dans le travail ménager. Ou en tout cas, pas de manière authentique et honnête. Vous parlez de l'importance du travail ménager. Je vous propose qu'on écoute un extrait des longues pages que Simone de Beauvoir consacre au travail ménager. Ce sont vraiment des pages assez extraordinaires. En voici quelques lignes qui permettent de comprendre pourquoi ce travail ménager est une manière de vouer la femme à ce que Beauvoir appelle l'immanence. Il faut que le produit du travail ménager se consomme. Une constante renonciation est exigée de la femme, dont les opérations ne s'achèvent que par leur destruction. Pour qu'elle y consente sans regret, du moins faut-il que ces menus holocaustes allument quelque part une joie, un plaisir. Mais comme le travail ménager s'épuise à maintenir un statu quo, le mari, en rentrant chez lui, remarque le désordre et la négligence, mais il lui semble que l'ordre et la propreté vont de soi. Il porte un intérêt plus positif au repas bien préparé. Le moment où triomphe la cuisinière, c'est celui où elle pose sur la table un plat réussi. Mari et enfant l'accueillent avec chaleur, non seulement avec des mots, mais en le consommant joyeusement. L'alchimie culinaire se poursuit, l'aliment devient chill et sang. L'entretien d'un corps a un intérêt plus concret, plus vital que celui d'un parquet. D'une manière évidente, l'effort de la cuisinière est dépassé vers l'avenir. Cependant, s'il est moins vain de se reposer sur une liberté étrangère que de s'aliéner dans les choses, ce n'est pas moins dangereux. C'est seulement dans la bouche de ses convives que le travail de la cuisinière trouve sa vérité. Elle a besoin de leur suffrage. Elle exige qu'ils apprécient ses plats, qu'ils en reprennent. Elle s'irrite s'ils n'ont plus faim. Au point qu'on ne sait plus si les pommes de terre frites sont destinées au mari ou le mari aux pommes de terre frites. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Quand tu fais la tarte aux pommes poupées, tu es divine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, oui. Allez, roule-moi la pâte, ça me plaît, ça m'émeut. Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu, mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Les mains d'une femme dans la farine, c'est Claude Nougaro qui chante cette chanson, donc pour accompagner le texte de Beauvoir qui termine avec cette phrase géniale. On ne sait plus, au point qu'on ne sait plus si les pommes de terre frites sont destinées au mari ou le mari aux pommes de terre frites. Voilà, toutes les lignes de Beauvoir sur cette question du travail ménager sont de ce style-là. Il y a quelque chose de très fort et une vraie réflexion sur le travail ménager comme étant le lieu justement de l'immanence. Vous le disiez, Manon Garcia, et je voudrais qu'on s'y arrête un instant, parce que ce mot d'immanence tel qu'il est employé par Beauvoir est non seulement indispensable pour comprendre la situation d'enfermement dans laquelle se trouve la femme mariée selon elle, mais quand elle l'emploie, ce terme-là, Beauvoir change légèrement le sens. L'immanence s'oppose à la transcendance. Si on prend Camus, justement, par les Sisyphes, c'est le fait que le monde est devant nous et qu'il n'y a rien d'autre en dehors de ce monde. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sens prédonné, il n'y a rien qui nous permet de sortir de ce monde. Dans l'existentialisme, le mot d'immanence, c'est plutôt synonyme d'empattement, d'immobilité, d'impossibilité à pouvoir devenir quelque chose, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que dans l'existentialisme, il y a cette idée que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est notre liberté. Et que la liberté n'est pas quelque chose qu'on aurait toujours déjà là, comme on a ça un peu dans les films naturels, cette idée qu'on serait né libre. C'est pas cette conception-là de la liberté qu'ont les existentialistes, mais ils ont cette idée que la liberté est quelque chose qu'il faut exercer. Et que c'est pour ça qu'ils disent l'existence précède l'essence, c'est parce que la façon dont on va vivre sa vie, dont on va exercer sa liberté, définit ce qu'on est, alors que, pour reprendre l'exemple de Sartre, si on prend un coup de papier, ce qui définit ce qu'est un coup de papier, c'est de couper du papier. Même si on l'utilise pour faire autre chose que pour couper du papier, c'est un coup de papier, son essence est précédée par son existence. Mmh. Mais Du coup, cette idée qu'on a une liberté fondamentale qu'il faut exercer implique que la vie, c'est d'avoir des projets, de se projeter dans le monde et donc de se concevoir comme un individu qui a une sorte de trajectoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Desplechin où Mathieu Amalric joue un homme dans un hôpital psychiatrique et il est face à Catherine Deneuve comme psychiatre dans Roise et Reine, et où il lui dit mais moi je peux pas vous parler parce que vous les femmes vous êtes dans le circulaire, voilà, vous, alors que nous sommes des êtres vers la mort, les hommes, les femmes, vous êtes dans des bulles et nous sommes sur des lignes droites, voilà. Voilà, c'est un monologue génial, mais par ailleurs, ça renvoie à cette opposition entre transcendance et immanence. C'est-à-dire de dire, la transcendance, au sens des existentialistes, c'est d'être des mouvements vers le monde et des mouvements vers la mort, donc ils sont, et Sartre et Beauvoir, très influencés par cette idée de la mort qui donne une direction à l'existence que l'on retrouve chez Heidegger. Mais ce qui est intéressant, c'est que Beauvoir montre que les femmes sont enfermées dans cette espèce de niveau horizontal, mais elle dit très clairement au début du chapitre, je la cite, « Aucun existant ne renonce jamais à sa transcendance, fût-ce quand il s'entête à la renier. » Et en fait, ce qu'elle montre dans La femme mariée, c'est toutes les stratégies que la femme mariée trouve, notamment dans le travail ménager, pour transformer cette espèce de répétition monotone de enlever la poussière, enlever la crasse, faire à manger, pour en faire quelque chose qui soit une projection de la liberté. Mmh. Et ça, c'est très beau parce que à la fois, elle montre qu'il y a quelque chose de vain là-dedans, et en même temps, elle montre cet effort, elle montre comment l'humanité survit même dans l'oppression. Et donc, elle va montrer, elle va utiliser toute une série de métaphores pour dire que la femme essaye de se transformer en reine de son intérieur. Puisqu'elle est confinée à l'intérieur, il lui faut bien trouver des moyens de faire de cet intérieur un projet. Mmh. Elle dit, par exemple, « Jeune fille, elle avait la terre pour patrie, les forêts lui appartenaient. À présent, elle est confinée dans un étroit espace. La nature se réduit aux dimensions d'un pot de géranium. Des murs barrent l'horizon. » Et bon, ça, je trouve que c'est une citation qui est intéressante pour nous dans le contexte de confiner avec Beauvoir, parce que voilà, cette idée que la nature se réduit aux dimensions d'un pot de géranium, oui, ça encore parle une fois, avec un sens de la formule qui est extraordinaire, mais elle va montrer comment la femme s'efforce de devenir la reine de sa ruche, elle va dire, ou une reine de son intérieur, et va essayer de transformer les choses en quelque chose de positif. Donc c'est ce qu'on voit dans le texte qu'on vient de lire sur les pommes de terre frites. Mmh. C'est-à-dire les pommes de terre frites deviennent une œuvre. Un peu plus tôt, elle dit que voilà, c'est tentant de considérer son œuvre comme une fin en soi. Et elle dit, contemplant le gâteau qu'elle sort du four, elle soupire, c'est vraiment dommage de le manger. C'est vraiment dommage que mari et enfant traînent leurs pieds boueux sur le parquet ciré. Et on voit que enfin, c'est quelque chose, au fond, que n'importe quelle personne qui fait la cuisine a expérimenté. Quand on passe 4 ou 5 heures à cuisiner quelque chose de merveilleux et que c'est tellement bon qu'en 10 minutes, il n'y a plus rien, il y a quelque chose qui est tellement dommage dans la disparition de l'œuvre. Parce que quand on écrit un livre, le livre ne disparaît pas une fois qu'il a été lu, alors que le plat disparaît une fois qu'il a été mangé. Mais il y a quelque chose de l'exercice d'une transcendance quand on est coincé dans l'immanence, dans la cuisine. Et ça, je trouve que c'est assez drôle parce que c'est une façon de lire notamment le premier confinement. Vous voyez, toute cette espèce de passion du pain au levain. Moi, je suis tombée dedans, hein, comme beaucoup de gens. Mais ça faisait partie de la tentative de faire de cet espace confiné quelque chose de beau et de joyeux. et d'en faire une œuvre d'art d'une certaine manière, puisque tout d'un coup il y avait plus de cantine, il y avait plus de moyens de manger dehors, etc., et qu'il allait falloir, parce que c'est ça la réalité, se taper de se faire 3 repas par jour qu'il allait falloir cuisiner soi-même, et qu'on se rend compte que ça faisait beaucoup, 3 repas par jour à cuisiner du début à la fin. Et puis ça dépend du nombre d'enfants, ouais. Voilà, ça dépend du nombre d'enfants. Ben là, on est coincé dans une espèce d'immanence de la répétition de, à chaque repas, il faut se redire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à manger, qu'est-ce que je vais acheter quand je vais au supermarché ou au marché, etc. Ben, on essaye de transformer cette espèce de répétition quotidienne un peu déprimante de Sisyphe, parce que c'est quand même Sisyphe de devoir faire à manger pour la famille à tous les repas, tous les jours, sans perspective que ça s'arrête. Eh bien, on se met à faire du pain au levain. Parce que là, tout d'un coup, on dit « Ah ben voilà, en fait, je suis la reine de mon intérieur. » Mais alors, quand on fait ça, Manon Garcia, quand on fait ces miches parfaites, est-ce qu'on s'aliène encore plus ? Est-ce qu'on s'enferme encore plus ? Est-ce qu'on se confine encore plus ? Ou est-ce qu'au contraire, on emprunte le chemin qui nous conduira vers la transcendance et la libération ? C'est une bonne question. Je pense que la perspective de Beauvoir, c'est de dire... La femme mariée, elle n'a pas tellement d'autres solutions. En raison de sa situation économique et sociale qui est que c'est mal vu pour elle, encore une fois, parce qu'on se réfère à une sociologie de classe moyenne, c'est mal vu pour elle de travailler en dehors de la maison et que surtout, elle ne peut pas se permettre de perdre son mariage, comme perdre son emploi, mais parce qu'elle considère vraiment que le mariage est un emploi, d'une certaine manière. Mmh. Elle le décrit comme, je la cite à un moment, elle parle du mariage comme carrière avantageuse. Bon ben, comme le mariage est une carrière avantageuse, il faut travailler pour cette carrière, et donc, ben voilà, elle n'a pas tellement le choix, et elle essaie juste de rendre le tout supportable. Je pense que Beauvoir, elle ne condamne pas la femme mariée qui essaye de rendre tout ça supportable. Ce qu'elle condamne, c'est l'aveuglement devant le fait de... L'aveuglement que peuvent avoir les gens à croire que c'est très bien comme ça. C'est ça. La mauvaise foi. Alors que c'est d'une certaine manière voilà. Alors que c'est de certaine manière ce qu'on peut appeler un optimum de second rang. C'est si on est coincé, qu'on est dans un mariage, dans une situation économique et sociale telle que on peut pas faire autrement qu'être coincé avec son pot de géranium, alors c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de faire des bons gâteaux pour en être fier. De la même façon, s'il y a une crise, une pandémie mondiale et qu'on peut pas sortir de chez soi, autant se réjouir de manger des bonnes choses qu'on n'aurait jamais cuisinées autrement. Mais c'est pas la vraie manifestation de la transcendance. C'est pas la même chose que d'avoir un projet pour soi joyeux, à moins qu'on ait décidé que la cuisine c'était notre truc et que on ait un blog de cuisine sur lequel on fasse des super recettes ou je sais pas quoi. Pourquoi pas ? Mais qu'il y a quand même une forme de mauvaise foi dans le fait de croire que c'est de la vraie transcendance. Que de la transcendance sous oppression, d'une certaine manière. Oui, mais alors ça, c'est vraiment passionnant. Vous venez de le dire, et à moins qu'on ait choisi vraiment de devenir un véritable cordon bleu, quelle part Simone de Beauvoir fait-elle à la liberté dans le cas d'une femme mariée, c'est-à-dire donc pour elle, disons, confinée dans tous les sens du terme, qui choisit elle-même d'être dans cette situation, peut-être par intérêt bien compris, peut-être par flemme, peut-être par mauvaise foi, peut-être par... alors pas par impossibilité, puisque justement là, j'essaie d'évoquer le cas d'une femme qui choisirait ça. Il y a quelque chose d'agaçant à se faire juger comme étant, disons, asservie ou aliénée à son mari si ça relève d'un choix. Est-ce que pour Simone de Beauvoir, ça peut relever d'un choix ou est-ce que c'est toujours une aliénation ? Je pense que c'est les deux. C'est que ça peut relever d'un choix et c'est toujours une aliénation. Pourquoi ? Parce que ce qui est très fort chez Beauvoir et qui nous semble un peu aller de soi aujourd'hui quand on lit le deuxième volume du deuxième sexe, mais qui était vraiment révolutionnaire à ce moment-là, c'est que elle propose dans le premier tiers du deuxième volume, elle montre comment l'éducation est genrée, ce qu'on dirait aujourd'hui l'éducation est genrée, que les petites filles et les petits garçons ne sont pas élevés de la même manière et donc ne sont pas élevés à avoir les mêmes désirs. Mmh. Et elle montre comment tout est fait pour que les petites filles développent un certain type de préférence. Et un type de préférence qui est la préférence pour la passivité, pour le rêve, pour le fait de rester à attendre un prince charmant, super, qui va venir, et tous les délices des rêves des petites filles avec le prince charmant, elle montre que ça vient aussi du fait qu'à chaque fois qu'elles essayent de grimper aux arbres, on leur dit qu'elles ne peuvent pas grimper aux arbres. Parce qu'elles font et que, comme les garçons, dit Beauvoir, et pas juste parce qu'elles ont envie de grimper aux arbres, on leur dit ne faites pas comme les garçons. Voilà, et que d'une certaine manière, c'est impossible de faire le départ entre les désirs que l'on a effectivement et les désirs qu'on aurait si on n'avait pas été élevé dans une société genrée avec une éducation genrée. Mmh. Et je veux dire, ça c'est quand même quelque chose qui garde une très forte validité. Aujourd'hui, on a des études, par exemple, qui montrent que les femmes n'allaitent pas de la même façon les nourrissons garçons et les nourrissons filles. Et que, en fait, inconsciemment, on a tendance à donner le sein au petit garçon dès qu'il pleure, en se disant « Ah oui, il a très faim, parce qu'il lui faut de la force, etc. » Et avec les petites filles, de dire « Non, mais il faut qu'elle s'habitue, c'est pas quand elle veut, on mange à heure fixe, etc. » Et qu'on voit qu'il y a des normes de genre sur l'idée que les petits garçons, il va falloir qu'ils aient de la force physique et donc il faut leur donner plein à manger au moment même de la naissance. Donc on voit comment ça va forcément déterminer aussi nos désirs et nos plaisirs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça a un rôle dans l'érotisme. Moi, c'est une question à laquelle je me suis beaucoup confrontée puisque je travaille sur la soumission féminine. Oui. Et qu'on m'a beaucoup dit, mais pourquoi... c'est quand même vrai que beaucoup de femmes ont envie d'être soumises sexuellement alors que les hommes n'ont pas envie. Ou beaucoup moins. Enfin, qu'il y a vraiment un fossé sur le désir de soumission sur le plan érotique. Mais évidemment que l'érotisme, il n'est pas déconnecté du reste de l'éducation et du reste de la société, et que si on grandit avec ce mythe que on va, voilà, toutes les histoires des princesses dans les tours qui attendent que le prince qu'elles n'avaient jamais vu vienne et tue le dragon pour les libérer, etc. Tout ça fait partie de la construction d'un érotisme de passivité. Ouais. et d'être prise et d'être une proie et du chasseur et du chasseur mystérieux, etc. qui va un impact sur nos désirs les plus profonds. Ouais. Donc je pense que ce que Beauvoir répondrait, c'est de dire évidemment qu'on peut très rapidement dire, il nous reste ce que j'adore, c'est d'être soumise à mon mari, mais c'est impossible de savoir si on adorerait sans l'éducation genrée. Voilà, et ben je renvoie les auditeurs, merci pour cette conclusion, à votre livre Manon Garcia, « Anon dépasse, on ne naît pas soumise, on le devient », qu'on le trouve aux éditions Flammarion. Il y a des échos très forts avec le deuxième sexe de Beauvoir, dont je recommande évidemment la lecture. Merci infiniment Manon Garcia d'avoir été avec nous ce matin depuis chez vous dans le Massachusetts. J'espère que vous pourrez vous rendormir, vous recoucher, ou sinon je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. On ne naît pas femme, on se quitte avec le rappeur Euphonique qui chante le deuxième sexe. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. On m'a souvent dit qu'être mère, ça donnerait un sens à ma vie. J'ai toujours pensé le contraire, mais rares sont ceux de mon avis. Je n'ai ni l'instinct ni l'envie, on me répète que ça viendra, que mon destin sera accompli, quand je tiendrai la vie dans mes bras. Je les vois déjà me crucifier, tous à me montrer du doigt. Pourquoi devrais-je me justifier? Au fond, ça ne concerne que moi. Pour quelques aspects biologiques, on nous divise dès la naissance. On me dit femme en toute logique, mais le suis-je vraiment par essence? À vrai dire, ça ne change rien de naître fille ou garçon, mais la mère qui donnera le sein ne le fera pas. parle pas de la même façon. Selon le sexe, c'est indéniable, y'a des variables d'éducation. Les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions. C'est devenu inconscient, et dans le fond, sachez bien que depuis la nuit des temps, on n'est pas femme, on le devient. Dans leur système patriarcal, j'étouffe, je me sens inférieur. Mon cœur est devenu cannibale, car tout me bouffe de l'intérieur. Pour plaire à ces messieurs, mieux vaut être belle et souriante. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin, depuis chez vous toujours, est la suivante. L'Amérique est-elle vraiment un grand pays religieux? Bah, à vue de France, c'est en tout cas l'un de nos dogmes. On n'a jamais tout à fait pardonné au président de cette République de prêter serment sur la Bible, ni à l'un d'entre eux de se lancer dans quelque chose qui ressemblait à une croisade. En réalité, du strict point de vue démographique, le sentiment religieux est là-bas en déclin, mais le strict point de vue démographique en matière religieuse n'a jamais signifié grand-chose, ou bien nous n'aurions pas autant peur de l'islam en France. Plus décisive est cette remarque de Tocqueville, selon laquelle la religiosité de l'Amérique ne s'exprime pas tant dans son rapport à sa pureté originelle que dans sa certitude que tous ses péchés sont rémissibles. Le fondalisme américain ne s'exprime ainsi pas seulement dans le culte rendu à la constitution des pères fondateurs, ce sont aussi ses amendements que l'on chérit. Et l'un des principaux objets matériels auxquels la démocratie américaine rend un culte, la cloche de la liberté de Philadelphie, qui aurait retenti pour fêter la déclaration d'indépendance, est un objet cassé. Une longue fêlure la parcourt presque en entier. Les tables de la loi américaine ont ainsi quelque chose de brisé, et il n'est au fond pas anormal qu'on ait dressé devant Wall Street un gigantesque veau d'or. Parce que le culte de l'argent aurait corrompu la pureté des institutions américaines ? D'une certaine façon, étant entendu que cette pureté est le mythe que se sont donné un groupe de contribuables en colère et que l'Amérique est la conséquence, un peu extravagante, d'un simple ras-le-bol fiscal. Cela pourrait être ça son péché originel, la fissure dans la liberté belle, mais cela reste fascinant qu'un pays se donne pour symbole quelque chose de cassé. Elle n'est pas si délirante alors avec le recul, l'élection de Donald Trump en 2016. Ce n'était que l'un des plus grands pécheurs d'Amérique, il fallait bien trouver qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire de lui. L'histoire, pour une fois, s'est montrée particulièrement imaginative. On relira un jour, j'en suis certain, l'élection de Trump comme une forme particulièrement raffinée de messianisme. Aucune âme n'est assez grande pour échapper à l'onction démocratique, mais aucune démocratie n'est assez grande pour supporter vraiment la présence d'une âme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bah que jamais la question de la religiosité de l'Amérique n'a été plus clairement posée que pendant le mandat de Trump. Au sens où Léon Blois considérait Napoléon, le grand dévorateur d'hommes et l'âme la plus problématique de toute l'histoire, presque le Christ des modernes, comme le principal stress test de son christianisme, en essayant, dans l'âme de Napoléon, d'intégrer Napoléon à l'histoire providentielle. Ce n'était pas l'empereur que Léon Blois essayait de sauver, mais le christianisme tout entier. Était-il seulement capable de rendre compte d'une telle extravagance spirituelle ? Ce personnage pré-dostoïevskien était-il encore lisible à travers le crible des évangiles ? Cela ressemble beaucoup, en fait, à l'interminable et difficile question qui, durant 4 ans, et encore aujourd'hui, a été adressée par Trump aux institutions américaines. Allait-elle tenir ou se fendre comme la cloche de la liberté de Philadelphie ? La réponse est maintenant connue, elles ont tenu, et c'est le président défait qui est resté anormalement silencieux, comme une cloche cassée pendant quelques jours. Mais il fait déjà partie, après Nixon, de ces reliques compliquées que l'Amérique s'enorgueillit de conserver sous la forme d'un dragon vaincu pour les uns, sous celle d'un prophète pour les autres, comme si tout ce qu'on a reproché à Trump relevait en dernier lieu de l'histoire providentielle des institutions américaines. Et donc ce que l'Amérique aurait de vraiment religieux, ce serait cette croyance envers la solidité de ses institutions. Et cela fait de l'Amérique une hérésie passionnante, le seul lieu au monde où la Bible prête serment sur le président élu. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et cette première émission sur le confinement avec Simone de Beauvoir, eh bien, je la dédie à Apollonia Berger qui a rejoint Le Monde et l'équipe des Chemins de la Philosophie à travers son père, Nicolas Berger. On te salue, cher Nicolas, et toutes nos félicitations. Toute l'équipe des Chemins de la Philosophie confinée chez elle, qui travaille quotidiennement, eh bien, c'est Avril Poignant-Le Goff, Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda, qui réalise les émissions cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Julien Calvas. À la lecture des textes, Hélène Losseur. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série donc confinée avec Simone de Beauvoir. On sera en compagnie de Pascal Fautrier et on vous proposera une phénoménologie du jus d'abricot confiné au Café de Flore. C'est tout un programme. Vous verrez dès demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien en la téléchargeant, en la podcastant pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.